Denis se réveille à midi avec la gueule de bois. Il se sent un peu malade, il a besoin d'une vodka. Dans le miroir du sang coule de ses yeux, il est paralysé, sale et crasseux. Fais tourner le flingue, oh. Et shoot-moi dans la tête, et shoot-moi dans la tête, et surtout, fais tourner le flingue, oh. Puis jette mon corps dans la rivière et laisse-le couler. Regarde des pubs à la télé, le cerveau endormi. Il voudrait bien s'en aller, mais son argent est parti. Il trouve la façon de s'enfuir loin d'ici, la seule chose dont il est vraiment en vie. Et il crie, fais tourner le flingue, oh. Et shoot-moi dans la tête, et shoot-moi dans la tête, je t'en prie. Fais tourner le flingue, jette mon corps dans la rivière et laisse-le couler. Laisse-le couler, laisse-le flotter. S'inquiète un peu, la police sonne chez lui. Il a un trou noir de ces derniers mois. Je crois que c'est tout ce qu'il puisse faire à présent. Alors, fais tourner le flingue, oh. Et shoot-moi dans la tête, et shoot-moi dans la tête. Et surtout, fais tourner le flingue, oh. Et shoot-moi dans la tête, et shoot-moi dans la tête, je t'en prie. Fais tourner le flingue, oh. Et shoot-moi dans la tête, et shoot-moi dans la tête, et allez, fais tourner le flingue, oh. Puis jette mon corps dans la rivière et laisse-le couler.